Chapitre 6e. Il retourna dans son cabinet pour avaler goulûment un autre cognac. Il n'avait jamais ressenti avec autant d'acuité les vertus anxiolytiques de l'alcool. Avec ce qu'il s'était enfilé la veille et dans la matinée, il n'aurait pas fallu qu'en plus d'être un assassin, il devint un poivreau. Midi, il repassa dans son appartement après avoir vérifié dans un miroir qu'il était présentable. L'œil exercé d'Odette décela pourtant un petit rien dans sa physionomie. « Ça a été ce matin? Qu'est-ce que c'était le coup de sonnette ?»« Rien, Odette. Deux types qui cherchent un appartement à louer. »« Et ça durait aussi longtemps? Pourtant, nous n'avons plus rien à louer. »« Bah si, justement, l'appartement des meilleurs. »« Mais Louis, il y a les meilleurs dedans, tu deviens fou. »« Eh bien, il y aura un autre couple avec eux. Un couple tout ce qu'il y a de plus réglo, de plus franchouillard, de plus vichiste, qui leur servira de couverture. »« Mais enfin, Louis, ce n'est pas sérieux. »« Écoute, fous-moi la paix, Odette. » « Je n'ai pas pu faire autrement. Tu dois te contenter de mes explications sans rien demander d'autre. » Elle n'avait évidemment pas l'habitude d'être traitée de la sorte et ne doutait pas que leur situation fût devenue préoccupante. « Je savais que ça allait nous attirer des ennuis, » marmonna-t-elle. « Quel besoin d'aller se coller ces vieux sur les bras ?»« David, d'accord, mais eux... »« Bon, bah c'est comme ça, voilà. Ne me rends pas la tâche encore plus pénible, s'il te plaît. » Pour se faire pardonner, il tenta de s'intéresser à ce qu'elle était en train de faire. « Qu'est-ce que c'est que toutes ces pommes, d'où sortent-elles ? C'est Hans qui me les a données, il y en a 5 kilos. Et pourquoi tu les coupes en tranches ? Tu te lances dans la fabrication des tartes en série ? Mais non, ballot, tu n'as pas vu les affiches de la Croix-Rouge ? Je vais les faire sécher, et comme ça, cet hiver, nous les aurons. » Louis baissa un peu la radio dans laquelle John Hess cassait les oreilles avec son « Ils sont zazou ». Comme s'ils avaient la tête à être zazou en ce moment. Profitant de ce qu'il s'était un peu détendu, Odette lui proposait d'aller au cinéma dans la soirée. « Il passe les visiteurs du soir et les inconnus dans la maison. J'aimerais bien en voir un des deux au moins. Il paraît que Rému fait un numéro extraordinaire dans les inconnus. Et David, nous ne pouvons pas le laisser tout seul tout de même. Il pourrait rester avec les Maillères, non ? Ah oui, et s'il y a une descente ? 3 d'un coup, c'est ça ? Eh bien, avec Léopold alors ? Non, Odette. Je sais que David n'apprécierait pas. Sois patiente, ma chérie. La bonne nouvelle de la matinée, c'est que bientôt, j'aurai pour lui des papiers en règle. C'est l'affaire d'un ou deux jours. Nous pourrons l'amener partout avec nous. Tant mieux. Tu apprécieras, j'espère, le fait que je ne te pose plus de questions sur tes visiteurs de ce matin ? Ce disant, elle s'approcha, lui posa une bille sur la joue. Il ferma son cabinet pour l'après-midi. Il lui fallait réfléchir sérieusement car son esprit était assailli par une foule de questions pour lesquelles il ne possédait pas l'ombre d'une réponse. À commencer par la présence des Maillères découvertes par les deux flics. Ils avaient dû planquer pendant tout l'après-midi devant son immeuble. Pour arriver à la conclusion que Maillère était resté chez le docteur, il fallait tout de même une sacrée patience et un bon sens de l'observation. Pour la mort des deux concierges, il était facile de déduire que ce ne pouvait être qu'un assassinat et qu'il en était l'auteur. Idem pour le fait que David était le fils de Zilbert et que Louis le gardait chez lui. Mais franchement, pour Maillère, il était surpris. À moins que Madame Lacaze ait parlé aux policiers en planque en sortant du genre « Vous savez que vous êtes dans la maison d'un médecin qui soigne les Juifs » ou quelque chose d'approchant. D'un autre côté, il était trop fier pour adresser la parole à un homme inconnu. De toute façon, le plus important n'était pas là, non. Après tout, qu'est-ce qui prouvait que ces deux hommes étaient bien des policiers ? Il ne lui avait montré aucune carte. Ce n'étaient peut-être pas des résistants, mais des membres d'une organisation secrète, mafieuse ou parallèle. Ils avaient trouvé un pigeon en sa personne et comptaient bien en profiter, aller savoir. Ils avaient bien déclaré qu'ils travailleraient contre l'oppresseur et pour la libération de la France. Des mots, tout ça. Une autre question lui taraudait l'esprit. Il voulait bien, à la rigueur, devenir un meurtrier. Mais d'après ce qu'il avait compris, pour chaque meurtre, il n'aurait aucun renseignement sur le mobile ou le bien fondé de la liquidation du quidam. Après tout, il pouvait très bien s'agir d'un gars qui n'avait pas payé sa redevance ou qui avait volé la caisse noire. Des règlements de compte, peut-être. Pas clair, tout ça. Pour dormir tranquille, façon de parler, il faudrait qu'à chaque fois il obtienne discrètement le maximum de renseignements sur la victime pour vérifier si la sentence de mort était bien méritée. Restait le modus operandi. Il devait être capable de tuer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment, dans la mesure où il ne fallait laisser ni trace ni indice décelable par un médecin ordinaire, capable de délivrer le permis d'inhumer. Hors de question de réitérer les injections intraveineuses de chlorure de potassium, qui provoquaient une paralysie du cœur. Sauf cas exceptionnel, il imaginait mal ausculter chacune de ses pratiques et leur faire une piqûre. L'arme blanche, peu bruyant si le sujet ne hurlait pas, mais ça laissait des traces et c'était salissant. Le revolver, oui, à condition d'avoir un silencieux. Mais en cas de fouille, la possession de l'une de ces armes leur est amenée directement la tête dans la baignoire, puis au bout d'une corde. Et il ne pourra même pas donner quelqu'un pour sauver sa peau. À moins qu'à chaque assassinat, il se débarrassa tout de suite de son arme. Pour le couteau, c'était jouable, mais pour le flingue, c'était onéreux. Il arrivait à la conclusion inéluctable que l'arme utilisée devait pouvoir figurer dans un nécessaire de médecin. Hormis le scalpel, il ne restait que l'attirail des drogués toxiques. Mais là, il butait toujours sur l'injection quasiment impossible. Il lui fallait donc trouver un poison qui pût s'administrer autrement que par intraveineuse. Il se plongea dans ses bouquins de médecine pour se rafraîchir la mémoire et se documenter. Il lui fallait un poison violent, à l'effet rapide, et qui laissait le moins de traces possible. Il laissa de côté l'arsenic, que le patient devait ingérer et qui n'était pas d'un effet immédiat. De plus, sa présence était facilement décelable en cas d'analyse. Il élimina également le cyanure, fulgurant mais dont même un médecin débutant aurait reconnu la présence, rien qu'à la coloration bleuâtre des lèvres du cadavre. L'insuline et la digitaline, deux excellents poisons à grosse dose, mais il fallait les injecter. Le sulfate de nicotine, très bon, mais où s'en procurer et où en fabriquer? Il faudrait l'aide d'un chimiste ou d'un pharmacien. En tout cas, ce poison pouvait agir par contact avec la peau, mais il fallait asperger copieusement le patient. Finalement, seul le bon vieux curare, connu et utilisé depuis la nuit des temps, semblait faire l'affaire. Il resta sur ce choix pour l'instant et aviserait par la suite, car on sonna la porte de l'appartement. Habituellement, les patients sonnaient au cabinet, sous la plaque de cuivre annonçant son état. Léopold ne sonnait jamais, mais frappait selon un code familier. Quelqu'un qui prenait la peine de sonner chez M. et Mme Fogel, cela l'intriguait et l'inquiéta un peu. Il ouvrit la porte de son cabinet donnant sur le palier pour surprendre le visiteur par derrière. C'était un couple de jeunes gens, propres sur eux, comme on dit, la trentaine, qui se tenaient par le bras. Mariés, peut-être? La femme avait les cheveux relevés sur le front en coque, un tailleur gris cintré et des souliers à talons compensés en liège. Un modèle de parisienne. Lui, les cheveux gominés, une veste à martingale et des chaussures à semelles de crêpe. Petit fonctionnaire, agent de bureau. Juste au moment où ils remarquèrent sa présence, Odette ouvrit la porte de l'appartement. Le couple tourna et retourna, ne sachant à quelle porte se présenter. « Entrez, c'est mon épouse, » dit Louis en désignant Odette. « J'arrive. » L'homme s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Il avait ôté son chapeau et le tenait sur son ventre. « Bonsoir, messieurs, dames. Nous n'avons pas pris rendez-vous. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Nous venons pour l'appartement à louer. » Le visage d'Odette se rembrunit. Pour faire oublier cette mauvaise humeur, Louis se fendit de quelques salamalecs. « Oui, bien sûr, » dit-il en souriant. « Entrez, venez, je vous en prie. Nous allons passer au salon. Nous serons mieux pour parler. » Odette préféra quitter la partie. Elle ne se sentait pas de faire bonne figure. Louis installa le couple, puis, prenant l'excuse d'aller chercher à boire, il fila à la cuisine glisser un mot à Odette dont les yeux étaient déjà humides de colère et de contrariété. « Il faudra que tu m'expliques tout, tu entends, tout, sinon... « Oui, promis. Fais en sorte que David ne paraisse pas au salon, c'est préférable. » De retour auprès du couple, il reprit son attitude bonhomme. « Bon, à nous. Oui, au sujet de l'appartement, est-ce que monsieur... » Ni l'un ni l'autre n'avancèrent un nom, mais ils restaient silencieux, un peu raides dans leur fauteuil, attendant que Louis poursuivît. Peut-être voulait-il le tester. Il continua comme s'il reprenait ses esprits. « Où en étais-je ? Ah oui. Vous savez qu'un couple occupe déjà cet appartement. »« Oui, bien sûr. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Nous commençons tôt le matin et rentrons tard le soir. »« La plupart du temps, » continua la femme, « nous prenons notre dîner en ville. » Pour la salle de bain, il suffira que la dame et le monsieur attendent que nous soyons partis. « Et ils seront toute la journée tranquilles, » ajouta l'homme. « On vous a expliqué également le problème de ces gens, je présume ?» C'est la jeune femme qui répondit, visiblement plus à l'aise que l'homme. « Et qui vous a dit que nous ne sommes pas juifs, nous aussi, monsieur Fogel ? Nous avons besoin d'un domicile stable, d'une adresse et d'une bonne notoriété dans le quartier. Demain, je pourrai aller à la mairie pour obtenir nos cartes d'alimentation. » De temps en temps, j'irai faire des courses chez les commerçants du coin pour me faire connaître. et René ira prendre un viandox au bar et acheter son journal. Louis sut au moins que le gars se prénommait René, mais il lui en fallait plus. « On m'a dit que vous aviez besoin d'un enregistrement en bonne et due forme, ce qui m'arrange. Puis-je connaître déjà vos identités ?» De bonne grâce, chacun lui tendit sa carte d'identité obligatoire, nouveauté que l'on devait à Pétain depuis peu. Puis la femme exhiba un livret de famille. Louis jeta un coup d'œil sur les documents. Ils étaient mariés et se nommaient René et Mathilde Beauchamp, nés tous deux à Dunkerque, lui en 1910, elle en 1914. Le livret de mariage avait été établi à Roubaix et ne mentionnait pas d'enfant. « Parfait, » dit-il. « Et qu'est-ce que vous faites de beau, comme on dit ?» Ils échangèrent un regard hésitant. « Vous pouvez me raconter n'importe quoi, » dit Louis. « Vous connaissez pratiquement tout de moi, alors que je ne sais rien de vous. C'est simplement au cas où on me poserait des questions. Songez qu'on pourrait aussi m'interroger à votre sujet. Je travaille comme courtier aux assurances Le Monde, et mon épouse est secrétaire à la banque Borms. « Très bien. Je relève vos dates de naissance pour faire établir le bail. Je mettrai votre nom sur la boîte aux lettres et sur la porte. Je préfère cela à des cartes de visite ou des noms griffonnés. Ça fait plus sérieux. » Un silence embarrassé plomba soudain l'entretien. L'homme reprit enfin. « Les autres locataires de l'immeuble sont-ils au courant des occupants actuels de l'appartement ?»« Pas pour l'instant. Sinon, notre accord n'aurait pu être possible. » Mathilde, puisque c'est son nom, ouvrit son sac et en sortit une enveloppe avec un sourire. « Vous allez voir que les choses vont s'arranger encore mieux que vous ne le pensiez. » Sur ce, elle lui tendit les papiers qu'elle avait sortis de l'enveloppe. Louis reconnut d'abord deux cartes d'identité au nom de Beauchamp, mais les dates de naissance ne correspondaient pas au couple. L'une est établie au nom d'André Beauchamp, né à Dunkerque en 1867, l'autre au nom de Solange Beauchamp, née Lyotard, en 1869 à Calais. Il n'osa comprendre, mais l'homme mit les points sur les i. « Ce sont nos parents qui vivent avec nous, » fit René avec un clin d'œil. « Les temps sont durs. » Louis ne put retenir un sourire de satisfaction. Voilà qui solutionnait idéalement la présence des Maillères. Toutefois, il était hors de question qu'Adam en profitât pour aller se balader dans le quartier. Il était trop connu. Mais en cas de descente de police, il ne devrait pas avoir de problème. « Ça, c'est du tonnerre. Mais il va falloir que je les briefe tous les deux. » Qu'ils apprennent leur nom et lieu de naissance par cœur, qu'ils manipulent ces papiers pour les vieillir un peu, et surtout qu'ils se fassent à leur nouvelle cohabitation. Mais ce dernier point ne devrait pas poser de difficultés, car ce sont des gens de bonne composition, vous verrez. « Eh bien, tout est parfait, » s'exclama Mathilde. « Je ne peux vous accepter qu'à partir de demain, car avant toute chose, il faudrait au moins un lit, » dit Louis d'un ton enjoué. « Je n'en ai plus, malheureusement. Ne vous inquiétez pas. « Demain matin, un gars viendra porter de quoi meubler la chambre. Veillez à ce que nos parents ne soient pas visibles. » Vogel se leva pour montrer que l'entretien était terminé. Dans tout cela, il avait oublié les angoisses dans lesquelles l'avait plongé la situation. « Ah, j'oubliais !» s'exclama René. « L'enfant qui nous a remis les papiers nous a également donné ceci pour vous. »« C'est un enfant qui vous a remis les papiers ?» demanda Louis en prenant l'enveloppe. « Bah oui. » Et l'a filé sans demander son reste. Celle-ci contenait un certificat d'adoption des époux Fogel en faveur du jeune Denis Van Lost, né à Lesquin, le 13 septembre 1932. Le dit certificat, daté de janvier 40, était à annexer au livret de famille. Il y avait également un certificat de naissance du jeune Van Lost, dont les parents étaient décédés. « Merci infiniment, » dit Louis, très ému. « Oh, ce n'est pas nous qu'il faut remercier. Nous n'y sommes pour rien. Quant à l'enfant qui nous a remis les documents, nous ne l'avions jamais vu. » précisa Mathilde. Louis décida de ne pas poser d'autres questions qui seraient de toute façon restées sans réponse.